de l'être de toi, le jour n'existe plus. Le soleil s'est noyé, la caserne est changée en maison de l'effroi. Et je suis triste ainsi qu'un cheval convoyé. Que t'est-il arrivé? Souffres-tu, ma chérie? Pleures-tu? Tu m'avais bien promis de m'écrire. Lance ta lettre au but de ton artillerie qui doit me redonner la vie et le sourire. La vie et le sourire. 8 fois déjà, le vague maître a répondu: pas de lettre pour vous. Et j'ai presque pleuré. Et je cherche au quartier ce joli chien perdu que nous vîmes ensemble. Oh mon cœur adoré. En souvenir de toi, longtemps je le caresse. Je crois qu'il se souvient du jour où nous le vîmes. Car il me lèche et me regarde avec tendresse. Et c'est le seul ami que je connais s'anime. Sans nouvelles de toi, je suis désespéré. Que fais-tu? Je voudrais une lettre demain. Le jour s'est assombri, qu'il devienne doré. Et tristement, ma loup, je te baise la main. Je te baise la main. 8 fois déjà, le vague maître a répondu: pas de lettre pour vous. Et j'ai presque pleuré. Et je cherche au quartier ce joli chien perdu que nous vîmes ensemble.